On se rappelle l'immense sympathie qui avait accompagné les trois voyageurs à leur départ. Barbicane, Michel Ardan, Nicole, les délégués du Gun Club, revenus sans retard à Baltimore, y furent accueillis avec un enthousiasme indescriptible. Trois jours après le retour des voyageurs sur la Terre, les moindres détails de leur expédition étaient connus. Il ne restait plus qu'à voir les héros de cette surhumaine entreprise. L'exploration de Barbicane et de ses amis autour de la Lune avait permis de contrôler les diverses théories admises au sujet du satellite terrestre. Son passé, son présent, son avenir avaient même livré leur dernier secret. Pour fêter le retour du plus illustre de ses membres et de ses deux compagnons, le Gun Club songea à leur donner un banquet, mais un banquet digne de ses triomphateurs, digne du peuple américain, et dans des conditions telles que tous les habitants de l'Union puissent directement y prendre part. Alors, dans toutes les gares, pavoisés des mêmes drapeaux, décorés des mêmes ornements, se dressèrent des tables uniformément servies. Pendant 4 jours, du 5 au 9 janvier, les trains furent suspendus, comme ils le sont le dimanche, sur les railways de l'Union, et toutes les voies restèrent libres. Seule, une locomotive à grande vitesse, entraînant un wagon d'honneur, eut le droit de circuler pendant ces 4 jours sur le chemin de fer des États-Unis. La locomotive, montée par un chauffeur et un mécanicien, portait l'honorable Maston, secrétaire du Gun Club. Le wagon était réservé au président Barbicane, au capitaine Nicholl et à Michel Ardan. Ainsi, ils allèrent d'une ville à l'autre, trouvant les populations attablées sur leur passage, les saluant des mêmes acclamations, leur prodiguant les mêmes bravos. Et pendant 4 jours, ils purent croire que les États-Unis d'Amérique, attablés à une unique et immense banquet, les saluaient simultanément des mêmes hurrahs. L'apothéose était digne de ces trois héros que la fable eut mis au rang des demi-dieux. Et maintenant, cette tentative sans précédent dans les annales des voyages amènera-t-elle quelques résultats pratiques? Établira-t-on jamais des communications directes avec la Lune? À ces questions, on ne saurait répondre, mais connaissant l'audacieuse ingéniosité de la race anglo-saxonne, personne ne s'étonnera que les Américains aient cherché à tirer parti de la tentative du président Barbicane. Aussi, quelque temps après le retour des voyageurs, le public accueillit-il avec une faveur marquée les annonces d'une société en commandite au capital de 100 millions de dollars, divisé en 100 000 actions de 1 000 dollars chacune sous le nom de Société Nationale des Communications Interstellaires. Président Barbicane, vice-président le capitaine Nicholl, secrétaire de l'administration Maston, directeur des mouvements Michel Ardan.